بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب ما الفرق بين درس أمس ودرس الأمس؟ كل الديفيرنس درس الأمس درس أمس كل الديفيرنس والدرس الأمس أو بالأمس entière. Non, ما يلزم. Avant. يعني أمس c'est un mot qui prend les règles, il s'oppose aux règles de base. Quand أمس il vient sans elle, il vient نكرة. C'est-à-dire qu'il est معرفة, c'est-à-dire hier. فعلت هذا أمس. فهمت؟ ذهبت هناك أمس. Si jamais tu mets elle, ça veut dire le passé en fait, ça veut dire نكرة. نعم. Donc quand on dit elle amsi, ça peut être avant-hier. Ça peut être le passé. طيب. Fa amsin akhadna qa'idatayn wa ruba. Ou qa'ida wa ruba. Une règle écart. La troisième dans le fasl, le troisième fasl qui est Kawaid Adillat al-Asma wa Sifat. Kawaid al-Thalitha kanat anna nusus, zawir al-nusus ma'louma lana bi-ihtibar wa majhoula lana bi-ihtibar. D'un côté ils sont connus, d'autre côté ils ne sont pas. Ils sont connus du côté du sens. Amma par rapport à la kayfiyya et au al-haqiqa, ils sont inconnus. ثم دخلنا في ماذا؟ Quatrième règle dont on a pris le début. Que le kalam peut changer en mesure de la formule employée ou le ma'udifa ilayhi min kalam wa ghayr dhalika. ثم ذكرنا ان الناس في نصوص الصفات والاسماء على ثلاثه اقسام. Premier qism c'était qui? Ceux qui prennent le texte selon l'apparent. Comme cela revient à Allah Azza wa Jal. Deuxième. Mushabbiha. Ceux qui font ressembler. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'apparent, mais d'une façon qui ne revient pas, qui ne convient pas à Allah Azza wa Jal. Et là, on va prendre troisième catégorie, puis d'autres choses. Je ne sais pas si on aura le temps de finir ce fasl-là dans le desk. Il y a beaucoup à lire un peu. Si on finit, alhamdulillah, si on ne finit pas, on finira. Radan, inshallah. On va voir ça. Si on a le temps de lire, il y a cinq feuilles. On va voir, inshallah ta'ala. Nasta'in billah wa nanzur kif. Qala al-qismu al-thalith. Man ji'alu al-ma'na al-mutadabir min al-nusus. Min nusus al-sifat bi-ma'na ba'atil. لا يليق بالله وهو التشبيه ثم انهم من اجل ذلك انكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وهم اهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عمن في الاسماء والصفات ام خاصا فيهما او في احدهما. Donc après ce sont trois formes de personnes. Ce sont ceux qui ont mis l'apparent du texte sur une forme qui est fausse, qui ne revient pas à Allah Azza wa Jal, qui est le tashbih. Et après, quand ils ont vu le tajbih, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça ne leur a pas convenu, donc ils ont supprimé. On l'appelle el-ta'til, le ta'til, ce fait de supprimer. Et qu'il s'agisse de ta'til dans les asma ou dans les sifat. فَهَاُولَيْ صَرَفُوا النُّصُوصَ نَظَهِرِهَا لِمَعَانٍ عَيَّنُوهَا بِعُقُولِهِمْ وَالتَّرَبُوا إلى تعيينها اضطرابا كثيرا وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. Donc là, ils ont justement détourné les textes de leur apparent vers un sens que eux ont désigné avec leur raison. Donc ils sont tombés dans beaucoup de confusion par rapport à cela, et cette altération du sens, ils l'ont appelé ta'wil. Et en réalité, c'est un tahrif. Donc leur madhab, il est bâtil de différents points. أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دلة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. D'abord, c'est une offense envers les textes, car ils ont fait de ces textes apportant un résultat qui est faux et qui ne revient pas et qui ne convient pas à Allah Azzawajal et qui n'est pas ce que Allah Azzawajal a voulu non plus. الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره والله تعالى خطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتديه هذا اللسان العربي. Donc c'est à dire qu'après ils ont détourné la parole d'Allah de son messager صلى الله عليه وسلم de leur apparent, alors que Allah a parlé aux gens avec une langue arabe claire afin qu'ils comprennent justement et qu'ils assimilent ce que veut dire cette parole là. والنبي صلى الله عليه وسلم خطبهم بأفصح اللسان أفصح لسان البشر فوجب حمل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ظهره المفهوم بذلك اللسان العربي غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. Et que le Nabi صلى الله عليه وسلم également lui a parlé aux gens de façon la façon plus éloquente avec la langue des hommes. Donc on doit interpréter, comprendre ce kalam selon son apparent. C'est tout. L'apparent donné par cette langue arabe. Et évidemment, tout en protégeant cela du takif et du tamsil. En ce qui concerne le haq d'Allah Azzawajal. Al-wajhu thalith, anna sarf kalamillah wa rasoulihi sallallahu alayhi wa sallam an zahirihi le ma'ana yukharifuhu qawlun ala Allah bila ilm wa muharram. Donc, le fait d'agir de la sorte, sortir le texte selon son apparent, cela est interdit. Comme qu'Allah Azzawajal, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Que dit Monseigneur, seulement interdit les turpitudes, ce qui est apparent, ce qui est caché, ainsi que le péché, ainsi que la justice sans droit, et d'associer à Allah ce qui n'a descendu aucune preuve, et que vous disiez sur Allah ce que vous ne savez pas. ولقول الله عز وجل ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Et ne recherche pas seulement tu n'as pas de science. Certes, l'ouïe et la vue et le cœur, tout cela sont interrogés. نعم. فصارف لكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره لمعنى يخالفه فقد كفى وفقد قفى ما ليس له به علم وقد قال على الله ما لا يعلم من وجهين. Donc celui qui aura agi de la sorte, qui aura sorti le texte de son contexte de base, sera opposé à ces versets et aura recherché selon qu'il n'a pas de science. Et cela également sur deux points de vue. Al-awwalu anna za'ama annahu laysa al-murad bi kalam Allah ta'ala wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam kadha ma'ana zahir al-kalam ma'a annahu zahir al-kalam, que lui leur a dit que la parole d'Allah le messager ne veut pas dire telle et telle chose, alors que pourtant la parole veut dire telle et telle chose. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا المعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. Et que le sens que lui aura donné, l'apparent du texte, n'apporte pas cela. Il aura donné un sens qui lui n'est pas démontré par l'apparent du texte. إذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام. طيب مثال ذلك من عندنا الاكزامبل بارابورا قال الله تعالى لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي باسكو الله قال لابليس qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour ce que j'ai créé de mes deux mains, يعني ادم عليه السلام. فاذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقتين وانما اراد كذا وكذا قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما اثبتته فان اتى بدليل وان له ذلك والا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه واثباته. Donc si jamais lui en sortant le kalam de son apparent il dira que Allah n'a pas voulu par ses deux mains les deux mains de façon réelle, on lui dira alors non, il dira que Allah a voulu telle et telle chose, on dira alors bah c'est quoi ta preuve démontrant que le sens voulu par les deux mains là ici ne sont pas les deux mains réellement. Donne la preuve pour ce que tu as refusé, et donne la preuve pour ce que tu vas affirmer. Et il n'aura pas de preuve. Donc il aura fait quoi? Du tahrif. Al-Wajj, il va dire lui c'est l'aql. Mon aql veut dire telle chose. On dit dans ce bab-là, il n'y a pas d'aql en premier lieu. C'est le texte. الوجه الرابع في ابطال مذهب اهل التعطيل ان صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وسلف الامه وائمتها فيكون باطلا لان الحق لا فانه لان الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وسلف الامه وائمتها. Donc là également parmi les choses qui font qu'on annule ce mazhab du ta'til, c'est que le nabi صلى الله عليه وسلم n'était pas sur ce mazhab là, ni lui ni ses sahaba ni les salaf ni les imams. Ils n'étaient pas là-dessus. Al-wajh al-khamis an yuqal lil-mu'attil. Deuxième, au cinquième point, on dira quoi à ce mu'attil? Fahel anta a'lamu billahi min nafsihi? Fa sayaqul la. Fa yuqalu lahu hal ma akhbara Allah bihi an nafsihi sidqun wa haqqun? Fa sayaqul na'am. ثم يقال له هل تعلم كلاما افصح وابين من كلام الله تعالى فسيقول لا ثم يقال له هل تظن ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يعمي الحق على الخلق بهذه النصوص لتستخرجه بعقولهم سيقول لا هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القران وقد جاء معطل est-ce que tu penses que ce que Allah Est-ce que tu penses que tu es plus savant que Allah à propos de lui-même? Il dira non. Après, il lui sera dit, est-ce que ce que Allah a informé dans son livre à propos de lui-même est vérité? Il va dire oui. Alors, on lui dira, est-ce que tu connais un kalem plus éloquent et plus clair que la parole d'Allah Azzawajal? Il dira non. Donc, il lui sera dit, est-ce que tu penses que Allah va cacher la vérité sur sa création? Voyez dans ce texte, afin qu'eux-mêmes puissent déduire le résultat par leur raison, et dire un non. Donc, dans quoi il va tomber à ce moment-là? Il sera contraint de reconnaître que son ta'til et sa compréhension elle est fausse. Ça, c'est ce qui concerne le Coran. Amma bi'atibar ma ja fi sunnah, maintenant par rapport à la sunnah, le même raisonnement il lui fait. Hal anta a'lamu billahi min rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, sayakul la. Ce que tu puisses avant d'Allah, que son messager, dire un non. ثم يقول له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحق صدق وحق فسيقول نعم est-ce que le Nabi صلى الله عليه وسلم a informé à propos de la vérité est-ce que cela en soi-même est vérité et véridique il va dire oui ثم يقول له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيقول لا est-ce que tu connais une personne qui est plus éloquente et plus claire que le Nabi صلى الله عليه وسلم dans sa parole parmi les créatures, parmi les hommes, il dira non. فَيَقُلُ لَهُ إِذَا كُنْتَ تُكِرُّ بِذَلِكَ فَلِمَاذَا لَا يَكُنْ عِنْدَكَ الْإِقْدَامُ وَالشَّجَاعَ فِي إِثْبَاتِ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِنَفْسِهِ وَأَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَظَاهِرِهِ اللَّائِقُ بِاللَّهِ وَكَيْفَ يَكُنْ عِنْدَكَ الْإِقْدَامُ وَالشَّجَاعَ فِي النَّفِي حَقِيقَتِهِ ذَلِكَ وَصَرْفِهِ لِمَعْنَى يُخَالِفُ ظَاهِرَهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Donc maintenant, d'ici à tu reconnais tout cela, pourquoi tu n'as pas justement ce courage et cette bravoure justement d'affirmer ce que Allah a affirmé lui-même et ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé sous sa réalité et sous l'apparence du texte qui revient à Allah azawajal comme ça lui convient. Et comment à l'inverse de cela, tu as le courage, hein, tu as le courage et l'audace de refuser cette réalité et de détourner le sens vers une chose qui s'oppose à l'apparent. Comment? Tu as su cela, tu ne l'as pas fait, alors c'est clair, et ce qui s'y oppose, tu l'as fait. وَمَاذَا يَدُرُّكَ Qu'est-ce que tu as comme mot, toi? وَمَاذَا يَدُرُّكَ يَدِيرُكَ نعم, هذا الذي عندك ذلك. Je pense que c'est plutôt Yadurruk, Allah alam. وماذا يدرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على وجه لائق به فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا أليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين. Donc il dit, en quoi cela te nuit d'affirmer ce que Allah a affirmé lui-même, pour lui-même, dans son livre, et dans la sunna de son messager de façon qui lui convient. Hein, que tu prennes ce qui est venu dans le Coran et dans la sunna, que tu affirmes ce qui était affirmé et que tu refuses ce qui était refusé. Cela est plus serein pour toi et plus prudent, surtout le jour où tu seras interrogé au Milakiyama à propos de ce qu'on dit les Mursaloun. Tu diras, les Mursaloun ont dit telle et telle chose, toi, qu'est-ce que tu as dit par rapport à ce qu'elle aime des envoyés, qu'est-ce que tu vas répondre? Tu ne vas pas répondre ce qui est venu dans le Kitab al-Sunnah, tu vas venir avec ce qui est venu avec ta raison. Donc tu vas quoi? Tu vas répondre de façon erronée, à la bila chak. أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعين معنى آخر مخاطرة منك فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه نعم ما صرفته إليه ما صرفتها إليه donc ce détournement de texte que tu as fait c'est un grand péril pour toi. Est-ce qu'il risquerait de t'empêcher de répondre au Milakiyama justement à ce que diront les Mursaloun? Et quand bien même on dit qu'il était permis de changer le sens du texte vers un autre sens, quelle garantie que tu as que toi ce que tu as fait comme détournement de sens est le correct? Il se peut que ça aurait été autre chose. Tu dis que Allah dans le Coran a dit telle et telle chose, mais le sens voulu n'est pas telle et telle chose. C'est-à-dire que toi, tu auras évalué par toi-même. Qui dit que ton évaluation elle est bonne? Est-ce que tu as une garantie de cela? Même cela, tu ne l'as pas. Al-Wajh al-Sadis fi ibtal madhhab al-ta'til. Sixième point. Anu yalzamu ali lawazim batila butlon al-lazim yadullu ala butlon al-malzum. Donc là, ça implique beaucoup de choses. طيب لا كومبرونسيون بيك بوكو تشوز فمن هذه اللوازم اولا ان اهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها الا حيث اعتقدوا انه مستلزم او موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لانه تكذيب لقول الله تعالى ليس كمثله شيء. Donc ils ont été contraints de faire le ta'til du fait qu'ils ont vu que l'apparent des textes dans le Coran et dans la Sunna implique un tajbih, une ressemblance. Et on sait que le tajbih, sur tous les points, celui du kufr. Donc ça veut dire déjà, pour arriver à ce résultat-là, ils ont dû faire du kufr dans leur tête. Et ils pensent que l'apparent des textes est du kufr. Chose qui n'est pas possible, bien évidemment. Donc, quand le Nu'aym ibn Muhammad al-Jaza'i, ahad mashaykh al-Bukhari, rahimahumullah, قال, من شبه الله بخلقه فقد كفر. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. Il a dit quoi? Hamad al-Jaza'i, qui est un des machaires de Bukhari, il a dit celui qui fait ressembler Allah sa créature a mécru. Et celui qui refuse ce que Allah a porté comme descriptif de lui-même a mécru également. Et qu'il n'y a pas dans ce que Allah a porté comme descriptif à propos de lui-même, ainsi que son messager, il n'y a pas de ressemblance. على كلام واضح جميل. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجهل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. عفوا أن من أبطل الباطل. Parmi ce qu'il y a de plus faux encore justement est de dire que l'apparent des textes dans la parole d'Allah et de son messager qui est le tajbih du kufr, ou que cela amène à penser cela. Là, c'est ce qu'il y a de plus faux. وَثَانِيًا أَنَا كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي أَنْزَلَهُ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى لِلنَّاسِ وَشِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ وَنُورًا مُبِينًا وَفُرْقَانًا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ لَمْ يُبَيِّنِ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْعِبَادِ اعْتِقَادُهُ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَإِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ مُوَكِّلًا لِعُقُولِهِمْ ويثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون هو هذا الظهير البطلان. Également que le livre d'Allah Azza wa Jal, celui qui l'a fait descendre justement pour éclaircir tout le monde sur tous les points, une guidée pour les gens et une guérison pour ce qui est dans les poitrines et une lumière claire et un discernement entre la vérité et le faux, que Allah, ça veut dire, n'aura pas éclairci ce qui nous est ce qui est obligatoire aux croyants, aux serviteurs d'avoir pour croyance à propos de son nom et attribut. Et qu'il aura mis son calème, il aura chargé eux de comprendre son calème avec leur raison. C'est-à-dire, il va venir avec un calème clair, malgré cela, il va charger les gens de comprendre ce calème avec leur raison. Qu'ils comprennent comme eux ils le veulent et qu'ils délaissent ce qu'ils veulent. Et ça, c'est faux également. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قصيرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز إذا لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى سموها أو سموه تأويلا. Également que le messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les khulafa, ainsi que ses compagnons, ainsi que les salafs et les imams, soit ont été négligents et laxistes quant au fait de classer aux gens ce qui est obligatoire par rapport à Allah, par rapport à Allah et à sa sifat, et à ses noms, dans ce qui est permis ou ce qui est interdit. Pourquoi? Parce qu'eux ne sont pas venus avec ce qu'en sont venus les mu'attila. On l'a pris déjà auparavant. Et lorsque justement ces mu'attila n'ont pas trouvé de dalil confirmant leur pensée, ce ta'til ils l'ont appelé ta'wil. وَأَيْنَ إِذِنِ مَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَاؤُهُ وَرَاشِدُونَ وَسَلَفَ الْأُمَّةُ وَإِمَّتُهَا قَاصِرِينَ لِجَهْلِهِمْ لِذَلِكَ وَعَجْزِهِمْ عَنْ مَعْرِفَتِهِ أَوْ مُقَصِّرِينَ لِعَدَمْ بَيَانِهِمْ لِلْأُمَّةِ وكلا الامرين باطل. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, le messager et ses suiveurs, parmi les sahaba et les imams, comme on l'a dit, ont été négligents par leur ignorance ou par leur incapacité de pouvoir connaître cela. Donc les deux choses, celle-ci que vous citez à l'instant là et celle d'avant, quand ils ont été négligents, ces deux points sont impossibles. Tout ça pour répondre à Mu'attila. Qu'est-ce que vous faites là? Eux ne l'ont pas fait. رابعا أن كلام الله ورسوله مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم تتقوى تأهل من تقوى تأهل أو أهم أهم تأهم Hamza, Ha, Wamim. Attendez, c'est parce que moi j'ai Ahl. On les corrige déjà. Min aham ma jahad bihi al-shara'i' bel huwa zubdat al-risalat wa innama al-marji' tilka al-uqul al-muttariba al-mutanaqida wa ma khalafaha. Que à base, la référence pour les gens c'est le kitab et la sunna et non pas les raisons. Pour connaître Allah, le marjir des gens, c'est le kitab et la sunna. Car les raisons, elles, sont amenées à tomber dans la confusion et à se contredire. فَالسَّبِيلَ التَّكْذِيبِ إِنْ وَجَدُوا لِذَلِكَ سَبِيلًا أَوْ التَّحْرِيفَ الَّذِي يُسَمُّونَهُ تَأْوِيلًا إِنْ لَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ تَكْذِيبِهِ. Qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? S'ils trouvent une possibilité, ils vont démentir le texte. Et s'ils ne peuvent pas, ils vont faire quoi? Un tahrif, et ils vont l'appeler ta'wil. Khamisan, anu yalzamu minhu jawaz nafi ma athbathahu Allah wa rasuluhu, fa yuqalu fi qawlihi ta'ala wa jaa rabbuka. Innahu la yaji wa fi qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya, innahu la yanzil. C'est-à-dire que eux ils vont dire quoi ces gens-là? Parce que là, dans le Coran, il dit dans le sens qu'il vient, il vous dit non, il ne vient pas. Ça peut être comment ça? Takzib. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah il descend au sein de la dunya, il vous dit non, il ne descend pas. Ça peut être comment ça? Takzib. Lienna isnad al-maji wa al-nuzul ilallah majaz indahum wa azhar alamat al-majaz inda al-qa'ilina bihi sihat nafiyihi wa nafi ma azbatahu Allah wa rasuluhu min abtal al-batil la yumkinu al-infikak الفكك عنه بتأويله لأمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. Car justement, ce Madji et ce Nuzul ont été attribués à qui? Qui c'est qui les a rapportés? C'est Allah et son messager. Donc ces gens-là vont dire c'est du majaz. C'est une métaphore, c'est une image. Car pour eux, ceux qui voient qu'il y a le majaz, parmi les ulama du majaz, qu'il leur est possible de le démentir. Masalen, pour eux, on va dire Masalen, comparer un homme courageux à un lion. Ils vont dire, nous on va dire, Masalen, aujourd'hui il y a un lion, il est venu, et il a battu tout le monde. On va dire quoi par là? Un homme courageux qui est venu, et il a battu tout le monde. Ils vont dire, ça c'est du majaz. Et on va dire, pourquoi c'est du majaz? Qu'on peut dire, non, c'est pas un lion, c'est un homme qui est venu. Tu comprends? Pour eux, le majaz, il est refusable. Donc ils vont dire, le nozol et le maji, c'est du majaz. Donc on peut dire, Allah n'est pas venu, et Allah n'est pas descendu. C'est autre chose qui a été voulu par là. ثم إن من أهل التعطيل من ترد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى الأسماء أيضا. Et parmi les gens de التعطيل, t'en as qui justement, ils ont mis leurs règles dans toutes les صفات. Comme غورات الجهمية والفلاسفة مثلا. Ils ont tout refusé en bloc. T'en as d'autres, ils ont distingué certaines صفات, pas d'autres. Certains noms, pas d'autres. Ou alors tel nom, mais sans صفات. Juste, c'est un nom propre, il n'a pas de sens. Réalisez les gars. ومنهم من تناقض واثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية اثبتوا ما اثبتوه بحجة ان العقل يدل عليه ونفوا ما نفوه بحجة ان العقل ينفيه او لا يدل عليه كما من لو جعل مثلا الأشاعرة ماتريدية ils ont affirmé ce qu'ils ont voulu affirmer ou refuser ce qu'on voulait refuser en se basant sur quoi sur la raison que la raison l'accepte ou le refuse donc ils sont arrivés à tomber dans quoi dans Tanakhud. On va s'arrêter là plutôt. Pas beaucoup, mais bon. On va s'arrêter là aujourd'hui. On finira, Inch'Allah, ça demain. Ce sera court demain, mais. Voilà, donc là, c'était quoi par rapport au Mu'attil? Tout ça, on l'a pris dans le Tanbouriyat, Takriban, Kazalik. Comment on sont arrivés les Mu'attila à ce Ta'til, comme ils veulent dire par la suite. Qu'avant de faire un tartil, on leur a dit, Masalen, Allah, il a deux mains. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux dans leur tête? Ils ont fait un tamsil. Ils sont obligés de deux mains, telles que les nôtres, Masalen. Et après, ils ont fait quoi? C'est pas possible. Ils ont attal. Donc, ils ont fait quoi? Tajbir et après tartil. C'est pour ça que ça va venir, on va dire, Kullu mumassil mu'attil, wa kullu mu'attil mumassil. Celui qui aura fait un tamsil, il aura fait un tartil. Qu'elle aura représenté la sifat, elle n'est pas comme ça, la sifat. D'un. De deux, le mu'attil aussi, c'est un mu'attil. Pourquoi? Parce qu'avant de faire un tartil, il aura fait quoi? Un tamsil. Ah, donc ces gens-là te disent que nous, on fait ressembler à la création. On dit non, c'est vous qui faites. C'est vous. C'est pour ça que vous êtes arrivé au stade d'après de refuser les sifat. Vous avez fait ressembler cette sifat à celle de la création, alors que nous, non. On n'a pas cherché à la représenter. Ni à savoir le comment, on dit le sens, on le connaît. Le comment et la réalité, on l'ignore. Ah, d'accord. Ma foumada, faïla wuna, walhamdulillah.